Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. On a l'honneur et le privilège d'accueillir ce qui deviendra un jour une sommité en matière de référence culturelle, ni plus ni moins. Oh boy, c'est beaucoup ce matin. Sophie Laforêt, comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, retour de... Mon Dieu, j'ai un chien dans la gorge. Intimez-nous. C'est un retour de semaine de lecture pour moi ce matin. Puis, pas eu trop de mal de tête à force de lire, bouquins, notes de cours, etc. Non, ça va. Je pense que ça fait partie de la vie universitaire. On s'y fait. Pas tellement choix parce que, en tout cas, pour me rappeler mon époque d'étudiant qui n'est pas si lointaine que ça, malgré mes jeunes 43 ans. C'était l'année passée. Lorsqu'on a une semaine de travaux et d'études, faut vraiment en profiter pour, comment on dirait, clencher ce qu'on a à faire parce que sinon, on est un petit peu dans la M. Eh oui! Mais c'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Sophie, est-ce que tu nous parles, comme à l'habitude, à chaque mardi, des principales sorties au niveau des différents albums? Oui, puis ce matin, encore une fois, on en a seulement deux qui ont attiré mon intérêt, parce qu'il y en a d'autres. Francophone, mais... Anglophone, encore une fois. Il n'y a rien en franco. Qu'est-ce qu'ils font, nos francophones? Mais il y en a beaucoup du côté de la France, mais peut-être que c'est moins accessible ici. Puis souvent, on est un peu décalé, donc les sorties ne sont pas les mêmes de ce côté-ci de l'Atlantique. OK. Donc, alors, tu nous parles de quoi, ma chère Sophie? Donc, les deux sorties, c'est Weezer, qui est un album qui était très attendu avec l'album Ratitude. Et sinon, un album live de Nirvana qui sortait aujourd'hui, Live at Reading. Live de Nirvana. Ouais, live. Avec Kurt Cobain. Posthume. Ouais. Posthume. OK. Bon, un vieil enregistrement qu'on a remasterisé. Oui. Bon, les amateurs de Nirvana, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, seulement deux. Sinon, aujourd'hui, je vous parle dans la série des meilleurs albums de 2009, d'un album, donc... qui est un des meilleurs albums et un album que j'ai tout particulièrement apprécié, soit un album de Phoenix, qui est une formation française. Oui. Donc, leur cinquième album. Et avant d'en parler, on va entendre tout d'abord une pièce. Quoi de mieux que d'entendre une pièce pour se faire à l'idée? Ben oui, tu nous as habitués à ça. Et vous allez voir, là, c'est vraiment... en tout cas, vraiment excellent, surtout le matin comme ça. Alors, la pièce qu'on va entendre, c'est Lithomania, donc de l'album Wolfgang Amadeus Phoenix, de la formation Phoenix. Très bien, on écoute ça immédiatement à la pilule du lendemain. J'ai hâte de voir la note. Ça sent bien. On a 4,5 sur 5 à battre. On écoute ça immédiatement. Gentlemen only, but now that you're lonely, do it, do it, do it. watch it grow like a ride, like a ride. Oh, not easily offended, not let it go. From a mess to the masses, a list of mania. Think less, but see it grow. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Phoenix. Phoenix? Si tu as aimé la pièce qu'on a entendue, d'après moi, tu serais enclin à aimer l'album au complet parce que ça ressemble beaucoup à ça. Vraiment, c'est un album... Tu sais, parfois, on va dire, ah bon, j'ai acheté un album, puis bon, tu sais, on va sauter quelques pièces parce qu'on en aime 5 sur 10 finalement. Ouais. Mais celle-là... En ça arrive trop souvent, ça, malheureusement. Trop souvent, mais cet album-là, si vous avez aimé ce qu'on vient d'entendre, en tout cas, pour ma part, quand j'écoute l'album, je l'écoute en entier, sans okay. sauter de pièces. C'est excellent, surtout comme ce rythme-là, quand on cherche là, de la musique comme ça dans la voiture ou dans le iPod ou peu importe. Là. Okay. C'est vraiment, vraiment dans cette vague-là. Donc, c'est une formation française, comme j'ai dit tantôt. Puis ça, c'est assez surprenant parce que... On dirait que quand on entend un son indie rock comme ça, on a l'impression que ça vient soit bon de l'Ouest canadien ou même formation de Montréal. On en a plusieurs qui ressemblent dans ces sonorités-là. Ouais. Sinon, bon, c'est sur nos voisins des États-Unis aussi. Et donc, c'est une formation qui vient de Versailles en France. Et c'est un groupe qui est actif depuis 1999. Et moi, je les ai découverts avec ce 5e album-là. Okay. Je suis pas allée encore voir là, ce qu'ils ont fait dans leurs albums antérieurs, mais pour celui-là, là, j'ai vraiment accroché totalement. Puis c'est un album qui est paru le 26 mai dernier, donc ça fait pas très longtemps, c'est pour ça qu'on en parle, un meilleur album de 2009. Et c'est dans l'indie rock, mais ce qui est agréable de ce groupe-là, c'est qu'il y a toujours une touche un peu d'électro, un côté pop. C'est de la musique assez légère, donc okay. c'est accessible, ouais. mais c'est sophistiqué en même temps. C'est dur à dire en ce mot-là. Sophistiqué en même temps. J'avais quelqu'un que je connaissais à partir là, qui était vraiment pas capable de dire sophistiqué. Il disait tout le temps symphostiqué. Ah ouais? Ouais, OK. Pas rapport. Pas rapport. Puis sinon, la pièce qu'on a entendue tantôt, Litstomania. Oui. Je l'ai entendue aussi. Peut-être que vous l'avez entendue également dans une publicité de Cadillac. Ah. Peut-être. En tout cas, ou peut-être que là, maintenant, vous allez porter attention. Ben oui. Et c'est drôle. Je trouvais que c'est une drôle d'association. Cadillac est une voiture, bon, pas destinée nécessairement aux gens de ma génération. Et ouais, des gens moyens. Puis je trouvais ça le fun qu'on mette une pièce qui, pour ma part, peut-être, j'ai l'impression, est destinée plus à, je sais pas. Original. Ouais, c'est assez on original. On n'a pas ça dans notre discothèque. Je pense pas. Moi, j'ai ça chez moi, mais on n'a pas ça ici, je crois. C'est surprenant. Plus dur hein, d'avoir surprenant. Ça, des fois. En tout cas. Et sinon, alors oui. Voilà. C'est ce qui conclut un peu parce que je pense toujours que c'est le mieux est d'entendre les pièces pour en juger par soi-même. Mais sinon, cet album-là mérite encore une fois un 4.5. C'est pas pour rien que c'est les meilleurs albums de l'année. Alors là, les notes varient entre le 4 et le 5. Nom de Dieu, un autre 4.5! Et oui. Et pour ceux qui aiment, je veux vous mentionner qu'il sera en spectacle au Métropolis de Montréal le 6 décembre prochain. Pourquoi pas? C'est à se procurer, je te dirais. J'ai autant aimé ça que la formation de la semaine dernière, Grizzly Bear, que tu m'as fait découvrir, moi qui est vraiment un inculte de la musique. Non, j'irais pas jusque-là, Marc, c'est quand ça. Même. Ouais, mais tu sais, c'est parce que mes références musicales remontent au temps où j'avais des cheveux, tu sais. Mais ça fait pas longtemps. T'en as encore des cheveux, Marc? Seigneur. Quelques ans. Heureux de ne pas faire de télé, mais plutôt de la radio. Sophie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et ben, ça se poursuit mardi prochain, que oui. Cette rétrospective. Mais avant mardi, tu reviens nous voir demain. Oui, demain. Plus tard que demain. Et tu vas nous parler de quoi, ma chère Sophie? Demain, ça va être assez simple. Je vais faire un survol avec vous du calendrier des spectacles qui auront lieu à Trois-Rivières durant le mois de novembre. Parce que là, je me rends compte que le calendrier est assez rempli. Je pensais ouais? bon de le partager avec les auditeurs. OK. La pièce qu'on va entendre, Sophie, avant, avais-tu autre chose à ajouter ou ça complète? Ça complète très bien. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est 1901. Oui. Donc, toujours de la formation française Phoenix de leur cinquième album Wolfgang Amadeus Phoenix. On écoute ça immédiatement à la pilule du lendemain en ce mardi 3 novembre 2001. Merci beaucoup, Sophie. On se revoit demain. À demain. Phoenix, ça s'intitule 1901 pour nos collègues français de Versailles. Donc, ben pour les nonos comme moi, ben c'est à découvrir et c'est à vous procurer parce que c'est vraiment un très très bon album, une très très bonne formation. Et pour ben, les habitués, ben écoutez, tant mieux. Donc, Phoenix. Bonjour, Monsieur Blais. Debout, là. Il est 7 heures, c'est l'heure de prendre votre pilule.